Le général Yepanchine et ses filles partis, nous restâmes trois en face de Nastassia Philipovna. Eugène Pavlovitch, son ami, un jeune capitaine, et moi-même. Et comme l'avait prévu le général Yepanchine, le scandale éclata. L'ami d'Eugène Pavlovitch, indigné au plus haut point par la provocation de Nastassia Philipovna, s'écria soudain « Quelle insolence! Seule la cravache peut venir à bout d'une telle créature. Eh bien, faisons-lui goûter de la cravache !» À ces mots, une rougeur inaccoutumée recouvrit les traits pâles de Nastassia Philipovna. Elle n'hésita pas, arrachant sa canne des mains du jeune capitaine et l'en frappa en plein visage. L'officier demeura une minute abasourdi, mais aussitôt reprenant ses esprits, il avança menaçant vers Nastassia Philipovna. Je lui barrai le chemin. D'un coup de poing, elle me fit rouler à terre. Heureusement pour Nastassia Philipovna, le boxeur Keller, un acolyte de parfaite rangogine, celui-là même qui m'avait la veille emprunté 25 roubles, surgit tout à coup, je ne sais d'où, et se planta résolument devant le jeune officier. Keller, lieutenant en retraite Albert Keller. Si vous désirez avoir une réparation, capitaine, je suis à vos ordres. Je comprends que vous avez subi un affront, mais je ne peux permettre que vous maltraitiez publiquement une femme. Bref, préférez-vous que nous nous battions ici ou sur un terrain choisi par vos témoins? L'épée ou le pistolet, capitaine? Vos conditions seront les miennes. Mais le jeune capitaine avait eu le temps de se ressaisir. Ayant compris à qui il avait affaire, il s'écarta sans dire un mot du boxeur Keller. À ce moment, Parfen Rogojin, qui s'était frayé un chemin à travers les badauds hilars, saisit Nastassia Philipovna par le bras. Il était pâle et défait. Cependant, il ne put s'empêcher d'interpeller méchamment le jeune capitaine. « Eh bien, tu l'as récupéré, ta jolie canne, vaillant officier. Bonnes gens, regardez-moi ça. Il a le nez en sang, ce guerrier de malheur. Cela t'apprendra, ta noblesse, à te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Et cela t'apprendra également à injurier une femme honnête. Et maintenant, partons, Nastassia, avant que la police ne fasse son apparition. Autrement, il t'encuira d'avoir frappé un officier. » Et tout mon argent ne te protégera pas des foudres de la justice. Tu penses? Un uniforme profané. Car un uniforme, c'est comme une icône. Et sans icône, plus de sainte orthodoxie. Et sans uniforme, plus d'empire russe. Je me levai péniblement du banc où m'avait fait rouler le jeune capitaine et je voulus rejoindre la générale Yepanchine et ses filles arrêtées dans une allée voisine. Un moment, je vous prie. Votre nom? Mon nom, capitaine? Mais Eugène Pavlovitch, votre ami, nous a présenté l'un à l'autre, il me semble. Oui, mais j'ai peur de me tromper. Je m'appelle Léon Nikolaïevitch Mishkin. Le prince Léon Mishkin. Merci. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Ah oui, je vais vous rappeler également mon nom. Capitaine Molotsov. Attendez, capitaine Molotsov. Pourquoi avez-vous besoin de mon nom? Pensez-vous déposer une plainte contre Nastassia Philipovna et me citer comme témoin? Mais elle est folle, je vous assure qu'elle n'a plus sa raison. Je ne me servirai pas de vous comme témoin. Ne craignez rien. Quant à cette personne dévergondée, évidemment, je ne puis me vanter d'être aussi bien renseigné que vous sur elle. Peu importe. J'ai tenu à savoir votre nom pour une toute autre raison. Il me salua légèrement de la tête et s'en fut. J'hésitai un moment, puis je rejoignis en courant les Yepanchine. La générale, tout en pressant le pas, eut le temps de me dire que Eugène Pavlovitch était à présent démasqué par elle et qu'elle était convaincue qu'il entretenait des rapports coupables avec cette sale créature, c'est-à-dire Nastassia Philipovna. Arrivée près de leur villa, la générale et ses trois filles montèrent au premier étage. Moi, je restais sur la terrasse, ne me décidant pas à regagner mon domicile. J'attendais quelque chose. Je ne savais pas très bien quoi. Par moments, les échos d'une conversation animée me parvenaient d'en haut. La nuit vint. Je ne bougeais toujours pas. Soudain, Aglaé pénétra sur la terrasse. Que faites-vous ici, prince? Je ne sais pas, j'attends. Ah, vous attendez? Qui? Quoi? Oh mon Dieu! Faut-il que je sois sotte pour vous interroger et espérer recevoir de vous une réponse sensée? Écoutez, prince, que feriez-vous si quelqu'un vous provoquait? Mais personne ne peut me provoquer, Aglaé Ivanovna. Cependant, si d'aventure cela arrivait, auriez-vous peur? Oui, je crois que j'aurais peur. Vous êtes donc un poltron? Il m'est difficile de vous répondre, mais je ne crois pas que je sois un poltron, Aglaé. Le poltron est celui qui a peur et qui se sauve. Mais Celui qui a peur et affronte tout de même le danger n'en est pas un. Ainsi, le cas échéant, vous vous prétendez capable de faire face au danger? C'est bien. Dites-moi, lors d'une rencontre, on tire ordinairement à 20 pas? Parfois à 10. Ah. Alors, un des deux adversaires peut être tué ou tout au moins grièvement blessé, n'est-ce pas? Non, pas toujours. Souvent, les deux protagonistes sortent indemnes. Ah, c'est fâcheux. Enfin, espérons que ce ne sera pas le cas dans le duel qui nous intéresse. Savez-vous tirer? Je ne l'ai jamais fait. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Avez-vous des pistolets, au moins? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas besoin. Mais c'est ridicule, prince. Achetez-vous un pistolet, je vous prie, un pistolet français ou un anglais. Ce sont les meilleurs. Puisque je vous dis que je n'en ai pas besoin. Oh, cessez de rire, prince. Vous êtes stupide. Je veux que vous vous exerciez au tir tous les jours, et même plusieurs fois par jour, et que vous appreniez à viser juste. Ah, voilà mon père qui descend sur la terrasse. Je m'en vais. Au revoir. Et n'oubliez pas d'acheter demain un pistolet et de vous exercer sérieusement au tir. Le général Yapanchin avait l'air maussade et préoccupé. Dès que nous fûmes dans la rue, il se mit à me parler d'une voix rapide et angoissée. Je l'écoutais en silence, mais je n'arrivais pas à saisir le sens de ce qu'il me disait. Ses phrases étaient énigmatiques et sans suite. « Vois-tu, prince, ma femme, Elisabeth Prokofievna, m'a fait une scène terrible. » Elle prétend qu'on nous a déshonorés, couverts de honte. J'avoue avoir beaucoup de tort, mais la police peut intervenir pour mettre fin aux prétentions de cette femme ombrageuse et inquiétante, et qui surtout se conduit très mal, tu me comprends, n'est-ce pas? Pas clairement. Je suppose que vous faites allusion à l'incident de tantôt, survenu dans le parc. Mmh. Et la femme inquiétante et qui se conduit mal, c'est Nastassia Philippovna. Tu es très perspicace, Léon Nikolaïevitch, très malgré ton innocence. Je te disais donc qu'on pouvait tout arranger à l'amiable, d'une façon courtoise et délicate. Oui, on peut éviter le scandale, mais pour cela, il faut être à la fois souple et ferme. Or, Elisabeth Prokofievna est nerveuse, elle pleure, elle veut tout casser, ce qui précisément fera éclater le scandale. Elle est folle, général. Je vous assure qu'elle est folle. Ma femme, prince? Non, non, Nastassia Philippovna. Ah. Je l'ai considérée longtemps comme telle. À présent, je ne crois plus à sa folie. Son incartade d'aujourd'hui avec Eugène Pavlovitch au sujet de son oncle le prouve suffisamment. C'était un subterfuge de sa part, c'est-à-dire une ruse de jésuite pour atteindre certains buts. Quel but, général? Pouvez-vous me les dévoiler? Je peux certainement. Écoute-moi bien, prince. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkine, Marcel Bozufi, Parfen Rogogine, Ginette Taffin, Aglaé, Georges Géret, Keller, Richard Flaget, le capitaine, et Pierre Bertin, le général Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.